Alors, on ne veut pas prendre le texte hors du contexte, mais je vais sauter un verset parce que j'ai mal lu un courriel de quelle béatitude j'étais supposée de faire. Mais déjà, il y a quelques semaines, j'étais supposée de faire celui que Bernard a fait sur la justice, la soif de justice. Puis là, on s'est échangé. Puis là, j'ai regardé, j'ai compté le nombre de dimanches et j'ai dit, OK, pour le 20 novembre, on va arriver à verset 8. Ça, c'est mon tour, ma béatitude sur le cœur pur. Alors, j'ai commencé à préparer sur le cœur pur. Puis Glenn m'a dit, ben non, parce qu'il n'allait pas prêcher sur une béatitude la semaine passée. Il allait continuer dans le reste du texte. Alors, on va sauter verset 7 et on va aller à verset 8. Alors, nous sommes comme au milieu des béatitudes. Les premiers quatre sont un peu plus notre relation avec Dieu, comme ils disent, et les derniers quatre sont un peu plus notre relation entre nous. Tandis que avec le 8, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est vraiment un charnière entre les deux quand même, parce que ça va parler de notre relation verticale avec Dieu et notre relation horizontale. Alors, heureux ceux qui ont le cœur pur. Je dis, comment ça se fait que la pureté tombe sur moi? Oh! C'est dur, celui-là. Et dans notre époque, on ne parle pas beaucoup de pureté. Puis dans l'Église chrétienne, on lutte avec les choses morales, si vous voulez. Moi, je vais parler un peu plus, je vais parler de deux aspects de la pureté. Parce que Glenn a dit la semaine passée que pour vraiment comprendre la béatitude, il faut aller dans l'Ancien Testament et voir qu'est-ce que Jésus répond comme question. On n'a pas les questions, on a les réponses de Jésus. Mais quelle était la question que Jésus répondait? Et puis dans l'Ancien Testament, j'ai regardé, j'ai lu comme Deutéronome 28, où ils sont prêts d'aller dans la terre promise, le peuple d'Israël, ils commencent une nouvelle partie de leur alliance avec Dieu. Ils avaient déjà reçu les promesses de Dieu, ils étaient déjà constatés ou choisis comme le peuple de Dieu, mais à l'entrée de la terre promise, il y a des choses qui sont reconstatées, des choses qui sont remises au clair. Il a rétabli son alliance avec eux, avec les conditions, les bénédictions, les malédictions. Alors, si vous prenez Matthieu 5, 6, 7, et vous prenez Deutéronome 28, c'est comme deux homologues, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est vraiment, vraiment intéressant. Parce qu'en Deutéronome 28, il y a toute une série des versets qui commencent avec « Béni seras-tu ». Béni seras-tu. Alors, l'Ancien Testament utilise l'hébreu. Le mot « béni » en hébreu, c'est « barak », comme Barack Obama, le président béni. « Heureux ceux » dans le grec. Dans l'Ancien Testament, c'est comme vraiment des bonnes nouvelles. Nouveau Testament, on a vraiment la même idée, vraiment des bonnes nouvelles. Alors, on a des bonnes nouvelles à vous annoncer. En Deutéronome, nous avons cette idée. Et en Matthieu 5, 6 et 7, nous avons cette idée aussi. Alors, c'est comme deux appuis-livres, si vous voulez. Et à la fin d'une partie en Deutéronome 28, après toutes les bénis seras-tu, en verset 9, il dit, « Le Seigneur te constituera pour lui un peuple consacré, puisque tu auras gardé les commandements du Seigneur ton Dieu. » Alors, ça, c'est le deal. Ça, c'est le contrat. Tu seras béni comme mon peuple, et tu vas garder certaines conditions. Tu vas respecter certaines conditions. Alors, ça se passait comme ça. Le problème pour nous, comme depuis presque le commencement du temps, c'est que nous avons un Dieu pur. Mais nous ne sommes pas un peuple pur. Alors, comment est-ce que nous pouvons avoir une relation avec un Dieu qui est saint. Alors, nous utilisons le mot saint, mais saint et pur sont très, très proches. Et on n'est pas saint. On n'est pas pur. Pur veut dire quoi? Alors là, j'ai regardé encore dans l'Ancien Testament, puis le mot pur est attaché la plupart du temps aux instruments qui ont été faits pour le temple du Seigneur, les instruments de l'or pur, des éléments purs. Il y avait vraiment l'idée de pureté dans la fabrication de tout ce qui était dans le temple, sur l'autel, les ustensiles pour faire les sacrifices, tout était fait par les orfèvres et les gens qui travaillaient avec l'or pour avoir de l'or pur. Quand vous achetez une bague et vous avez une bague de 10 carats en or ou de 14 carats, alors plus que le chiffre monte, plus qu'il y a de l'or dans ces bagues. On ne peut pas vraiment porter plus que 18 parce que c'est trop mou, c'est trop délicat, ça va pas durer. Alors, ils ajoutent d'autres métaux pour avoir une bague en or. Mais les instruments dans le temple ont été construits avec de l'or pur. Mais nous avons aussi l'idée de chasteté, alors une pureté morale. Alors, moralement ou éthiquement, sans reproche. Alors, tout ce qui était, si je peux dire, dans la pureté cérémoniale, tout ce qui entourait la façon qu'ils étaient supposés de s'approcher de Dieu comme peuple, il y avait des cérémonies, il y avait des sacrements, il y avait une façon de faire et une façon de ne pas faire, avec des bénédictions et les récompenses ou les punitions. Enfin, s'ils ne suivaient pas ces cérémonies. Et dans l'Ancien Testament, dans la première alliance entre le peuple de Dieu et Dieu, il y avait ces balises pour que le monde puisse s'approcher de Dieu dans sa pureté, parce que Dieu est pur. Alors, c'est un standard qui est très, très, très haut et très exigé. Dans la première alliance, alors, comme j'ai dit, nous avons le temple. Et dans le temple, il y avait le Saint des Saints. C'était la petite place réservée aux prêtres une fois par année. Puis là, il y avait toute une explication de comment ils devraient s'habiller, se préparer. Puis c'était lui seul qui pouvait aller dans le Saint des Saints en arrière d'un grand rideau. Beaucoup, beaucoup de cérémonies autour de ce geste. Et quand il entrait dans le Saint des Saints, il représentait le peuple devant Dieu. Alors, si vous voulez, le prêtre pouvait voir Dieu une fois par année et après beaucoup de préparation. Aussi, dans l'Ancien Testament, nous avons certaines personnes qui ont vu Dieu. Les personnes au moment spécifique, pour une raison très unique, ou les gens qui étaient hors de l'ordinaire, vraiment les gens extraordinaires, comme Moïse qui a vu Dieu, comme David qui s'approchait lui-même de Dieu, comme Ésaïe qui était dans le temple, puis là il a vu Dieu, il a vu la gloire de Dieu. Alors nous avons, et ces récits sont racontés parce qu'ils sont rares, ils sont uniques quasiment. C'est des gens qui étaient privilégiés. Et le petit peuple attendait, s'éloignait, espérait que ces gens allaient jouer le rôle d'intermédiaire pour eux. Mais ils ne pouvaient pas voir Dieu. Alors, je dis entre guillemets, parce qu'il n'y a personne qui voit Dieu, comme ça dit dans l'Ancien Testament, mais il y avait certains moments, occasions ou personnes qui avaient ce privilège. Alors, le cérémonial, l'aspect cérémonial, était pour rendre le peuple pur, pour qu'il puisse s'approcher de Dieu à différents moments. À part des prêtres, il y avait des sacrifices. Alors, je ne vais pas aller dans tout cela, mais vous souvenez dans Lévitique, il y a une description, et Exode aussi, il y a toute une description des sacrifices pour chaque instance de la vie. Quand votre voisin a fait telle et telle chose, Puis là, il y avait un problème. Oh, il faut aller, aller au temple avec ce voisin pour réconcilier. Il y avait un sacrifice à faire. Il y avait des fêtes, des rites, des sacrifices. Il y avait une fois par année l'agneau sans tache. Alors, un brebis d'un an à peu près, sans tache, qui était choisi pour être le substitut. Un agneau pur pour substituer le péché. Et une fois qu'il était choisi, puis ils ont fait tous les rituels autour de l'agneau, l'agneau était laissé dans le désert. Alors les péchés se sont éloignés avec cet agneau. Et il y avait certainement les prières. C'est intéressant en Exode 30, quand il parle de ces instruments au temple qui étaient supposés d'être des instruments faits des métalliques et des choses pures, qui parle pour les lampes, pour les instruments, pour l'autel, ils étaient supposés de l'utiliser de l'or pur, de l'encens pur, de la myrrhe pure. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Mm-hmm. Alors, Matthieu, en chapitre 1, parle des rois mages qui arrivent devant Jésus avec l'or, l'encens et la myrrhe. Alors, Matthieu est en train de nous donner des clins d'œil, n'est-ce pas? Il y avait des clins d'œil pour faire le lien entre tout ce qui était exigé dans l'Ancien Testament qui va être réalisé en Jésus. Alors, le peuple de Dieu cherchait cette pureté pour s'approcher de Dieu. Et ils l'ont fait par des choses, des rituels, des instruments, les sacrifices, les fêtes, les symboles visibles. Ça, c'était avec la première alliance. Et c'était vraiment ce qui était constaté par Dieu pour créer un espace libre pour que le monde puisse l'adorer et pour qu'il puisse communiquer avec eux. Mais en Hébreux 10, 1, nous avons une petite explication de la faille de ce système, si vous voulez. La loi possède une ombre des biens à venir et non pas l'exacte représentation des réalités. C'est pourquoi elle ne peut jamais, par les sacrifices toujours identiques qu'on présente chaque année, amener à la perfection ceux qui s'approchent ainsi de Dieu. Alors, ça ne marchait pas le système des sacrifices. C'était mis en place pour une période de temps. Mais c'était jamais supposé de remplacer une vraie pureté, une vraie pardon du péché. C'est pour ça qu'ils ont laissé aller l'agneau, éloigné du peuple de Dieu. Et aussi, nous avons, à part de la pureté cérémoniale, on a la pureté morale, ou éthique, si vous voulez. Et Jésus parle d'un cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Encore, dans l'Ancien Testament, nous avons les 10 commandements. Et si vous lisez ou vous relisez les 10 commandements, c'est vraiment le standard le plus haut jusqu'à nos jours. Dans toutes les sociétés, on ne peut pas avoir un standard d'éthique qui est plus haut que les 10 commandements. De ne pas tuer, de ne pas convoiter la femme d'un autre, de ne pas mentir, de ne pas adorer d'autres choses à part de Dieu, des dieux. C'est vraiment un standard très haut. Et à part des 10 commandements, encore pour le peuple d'Israël, il y avait quelques centaines de lois. Toutes les lois pour bien faire avec le voisin, pour bien vivre ensemble. Encore, il y a certaines choses qui sont aussi pertinentes aujourd'hui, d'autres choses qui ne sont pas du tout pertinentes. Alors moi, je n'ai pas un bœuf à donner à mon voisin parce qu'il a volé le mien. Alors, j'ai volé le sien, j'ai plus de bœuf. Alors, beaucoup, beaucoup de ces lois ont été attachées à une culture rurale, une culture agricole. Beaucoup de choses à propos de la nourriture et nous avons d'autres moyens pour garder la nourriture en santé, la nutrition et tout ça. Mais il y a une autre chose qui arrive dans l'Ancien Testament. Plus qu'on s'approche du temps de Jésus, plus les standards de pureté se détournent de ce qui était cérémonial vers la conduite pure, l'état du cœur. Alors, si vous pensez pendant le temps de David, par exemple, l'état du cœur était reconnu même comme plus important. En psaume 51, lors du grand péché de David, qu'est-ce qu'il dit à Dieu quand il reconnaît son péché, puis il veut vraiment avoir le pardon, il veut vraiment s'approcher de Dieu encore? Il a écrit ceci en s'adressant à Dieu. « Car tu ne prends pas plaisir au sacrifice, autrement j'en donnerai. Tu n'agrées pas d'holocauste. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur brisé et contrit. » Et combien de fois est-ce qu'on lit par les prophètes dans le temps où le peuple n'était pas vraiment, ils ne faisaient pas ce qu'ils étaient supposés de faire, ils n'étaient pas vraiment obéissants à Dieu, ils continuaient à faire les sacrifices dans le temps, mais ils sacrifiaient aussi à d'autres dieux, puis ils étaient complètement impurs comme peuple. Alors leur conduite était très très loin de ce qu'était le standard selon Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est que la pureté du cœur? Et qui peut voir Dieu? Alors, j'ai réfléchi beaucoup à cela. Quand ils verront Dieu, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Est-ce que c'est juste au ciel quand nous allons avoir la dernière récompense de vraiment voir Dieu? Ou est-ce que c'est possible de voir Dieu où nous sommes, avec qui nous sommes aujourd'hui? Nous sommes dans les béatitudes, comme Denise a lu, où on est en train de renverser tout avec l'arrivée du sermon sur la montagne. Tout ce qui était correct avant, me semble que ce n'est pas tout à fait correct maintenant, avec l'arrivée de Jésus et l'arrivée du règne des cieux, le règne des cieux qui arrive sur terre. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes entre le maintenant et le pas encore. Alors, est-ce que c'est possible pour nous d'être identifiés comme un peuple du cœur pur qui voit Dieu? Est-ce que ça, c'est possible? Ou est-ce que c'est juste à la fin des temps? Alors, premièrement, je pense que la possibilité d'avoir un cœur pur est possible pour tout le monde. Ça, c'était un des buts de ce premier discours. Alors, le premier discours en Matthieu, chapitre 5, 6, 7. Jésus est en train de dire que tout ce qui était juste pour les privilégiés, tout ce qui était juste pour les élus, les prêtres, les grandes personnes et seulement dans le peuple juif, maintenant tout ça est disponible à tout le monde. Ceux qui sont les petits, les moindres des gens, peut-être c'est eux qui vont diriger le reste. Alors on voit ça dans « Heureux les pauvres en esprit, heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui sont doux, ceux qui ont faim et soif de justice, heureux les miséricordieux, heureux ceux qui ont le cœur pur. » Alors le petit peuple, tout est accessible maintenant à nous. Alors avant, on avait juste un prêtre ou un leader, mais maintenant, est-ce que c'est possible pour nous d'être identifiés comme un peuple au cœur pur? Alors, c'est quoi le cœur? On dit qu'un enfant a accepté Jésus dans son cœur. Alors, je me souviens quand j'ai expliqué à une de mes filles qu'elle peut accepter Jésus dans son cœur, elle a dit, « Mais maintenant, il est dans mes jambes, et ma tête, mes bras, mes mains. » Alors, vous voyez vraiment le cœur qui bat. Alors, c'est quoi vraiment le cœur? Ce n'est pas le cœur physique, mais le cœur est vraiment le lieu de nos sentiments. C'est le fin fond de nous. C'est là où est nos pensées, notre capacité de prendre une décision. C'est le siège de notre intégrité. Moi, je définis l'intégrité comme qui je suis à la maison devrait être la même chose que qui je suis dans le monde public. Est-ce qu'il y a des choses que je cache? Alors, je suis moins intègre. Ou est-ce que je peux être transparente? Est-ce que quand quelqu'un vient chez moi, est-ce qu'ils seront offensés par quelque chose? Est-ce qu'il y a des recoins dans ma personne qui sont plus noirs? Et nous avons tous les recoins qui sont plus noirs, n'est-ce pas? Plus sont noirs. On a des motifs mélangés. Quand j'ai lu beaucoup de choses sur la pureté, ça tourne beaucoup autour de nos motifs. Je peux faire une bonne action, mais pour une mauvaise raison ou une raison cachée. Et il n'y a personne qui est exempt de ça, je pense. Parce qu'on ne se connaît pas autant. Nous voulons faire arriver quelque chose pour différentes raisons. Certaines raisons qui sont acceptables et certaines raisons qui sont vraiment personnelles à nous. Et nous avons tous un problème. Parce que dans notre cœur, il y a cette bataille, n'est-ce pas? Il y a ces recoins noirs, il y a les motifs mélangés, il y a des choses avec lesquelles on lutte. Alors le cœur est le champ de bataille. Entre la pureté qui est animée et transformée par l'Esprit Saint et par la pression de notre nature humaine, de notre époque, de notre propre expérience, de nos mauvaises habitudes qui reviennent. Et on appelle ça le péché, n'est-ce pas? C'est pas un mot qu'on aime utiliser de nos jours, mais on ne peut pas nier que ça fait toujours partie de notre vie. Alors, dans la deuxième alliance, on voit que Jésus est au cœur de l'alliance. C'est pas les cérémonies, c'est pas les rites, c'est pas les prêtres avec les grands vêtements. Mais c'est vraiment Jésus qui se met au cœur de cette deuxième alliance. Alors, on n'a pas besoin du temple, on n'a pas besoin de ces prêtres, on n'a pas besoin des sacrifices. Par le sacrifice de Jésus, et là, nous comprenons très bien c'est quoi le sacrifice de Jésus, parce qu'il est devenu l'agneau. Mais pas l'agneau qui s'est éloigné de tout le monde, mais l'agneau qui a donné sa vie. Alors le sang et le corps brisé et son sang représentent pour nous cette deuxième alliance et cette pureté. Alors aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de cérémonies, mais nous avons une cérémonie, par exemple. Nous avons la Sainte Cène, la table où on fête et on commémore la mort de Jésus ensemble. Et quand nous nous approchons de Jésus et on décide d'accepter ce sacrifice, le fait qu'il enlève les péchés de nous, et dans sa place, il met dans notre cœur un cœur nouveau. Ça, c'est notre position en Christ. Alors, cérémonialement, nous sommes purs. Nous avons tous un cœur pur à cause du sacrifice de Jésus. Mais on est toujours appelé à un cœur pur éthique et moral. Qu'est-ce qui nous distingue dans notre gang, dans notre entourage? Premièrement, Jésus dit qu'on va être connu parce qu'on s'aime l'un l'autre. Ça, c'est notre première marque d'identification. Ils vont savoir que vous êtes mes disciples parce que vous vous aimez les uns les autres. Mais la deuxième chose, c'est aussi notre conduite. Quand je participe dans un comité, puis je ne veux pas faire quelque chose qui n'est pas éthique dans la planification d'un événement, par exemple. Le mot de sagesse, le mot d'encouragement, le fait que ce que les autres voient en moi et ce que je suis. Il n'y a pas de choses qui sont cachées. Alors, ma conduite et notre conduite dans la communauté élargie est aussi notre marque de pureté, notre marque de disciple de Jésus. Mais la nature humaine reste avec nous et nous avons tous la tendance à trébucher, à retomber dans les mauvaises habitudes. de s'éloigner de Dieu. Et nous avons la possibilité d'un cœur pur, ce qui est loin du péché. Alors moi, je vois deux choses pour nous aujourd'hui, et à partir de ce que Jésus est en train de raconter dans la Béatitude. En Jésus, ma position dit que je suis purifiée par lui. Qui me motive dans ma conduite à écouter sa voix, à le laisser, qui me transforme et qui transforme notre communauté, que nous pouvons avoir cette intégrité, chercher cette intégrité, cette sagesse qui vient de l'Esprit. Et que, à cause de la purification dans mon cœur, je peux m'approcher de Dieu et nous pouvons nous approcher de Dieu. Nous avons cette accessibilité auprès du trône de Dieu. Et une façon que nous exprimons cela, c'est avec la Sainte Cène. Mais qu'est-ce qui se passe parfois au Sainte Cène? On peut avoir différentes réactions. Quand vous entrez et vous voyez qu'on va célébrer la Sainte Cène, nous savons que nous sommes supposés de s'examiner, n'est-ce pas? Et si vous êtes de la religion catholique, dans le temps, il y avait toujours la confession avant de prendre la communion, n'est-ce pas? Et nous sommes toujours appelés à confesser, nous sommes toujours appelés à s'examiner avant de la prendre. Mais il peut y avoir une réaction un peu plus de honte. « Oh, je ne suis pas digne de la table. Je fais partie, oui, je suis disciple de Jésus, mais cette semaine-là, c'était vraiment épouvantable. Je ne me sens pas digne de participer dans la Sainte Cène. Je ne suis pas digne de m'approcher de Jésus de cette façon. » et de prendre la coupe et le pain. Ça, c'est une réaction possible. Une deuxième réaction possible, c'est de se dire, oui, je m'approche de la table, je m'examine, et le Saint-Esprit me convainc de quelque chose. J'ai une conviction que je dois confesser quelque chose. Et qu'est-ce que vous faites avec cela? Mais en Jean... 1 Jean 1, 7 et 9, voici ce que Jean écrit. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Chez moi, j'ai amené certaines choses de chez moi. Et il y a certaines personnes qui ont déjà visité ma maison, mais j'ai une salle d'écoute. Quand les filles sont parties, on s'est trouvé avec trois chambres pas utilisées. Alors tout de suite, j'avais certaines idées de qu'est-ce que je voulais faire avec une de ces chambres. Et j'ai créé une salle d'écoute. Elle est très petite, elle est 7 pieds par 9 pieds, cette chambre. Alors j'ai mis les couleurs jaune, lime et blanc. Et j'ai commencé à accumuler certaines choses qui symbolisent la façon que je veux m'approcher de Dieu. C'est une salle d'écoute parce que j'aimerais écouter Dieu, j'aimerais écouter la musique. Et parfois, Glenn vient dans la salle puis on s'écoute, on s'en parle. Et c'est vraiment une place... Parfois, mon ordi est là, mais je ne fais pas de travail dans cette salle. Parce que c'est vraiment une salle comme à part. J'avais beaucoup de plaisir à créer cette salle. Et je suis sur une online company, Dayspring, alors j'ai commandé cette croix. Et j'ai une collection de sculptures féminines, alors c'est une femme, j'ai acheté ça en Haïti. Pour moi, ça représente la femme en Haïti qui demande juste un verre d'eau du Seigneur. J'ai acheté ça parce que ma fille, ma cadette, est danseuse. Alors, ça, c'est un peu plus légère, un peu plus léger, la danseuse. Et j'en ai d'autres. J'ai maintenant une femme africaine qui est très enceinte pour représenter ma fille qui est enceinte. Et d'autres. Alors, j'avais beaucoup de plaisir à installer ma salle, mon temple, si vous voulez. Mais il y a des journées où j'ai de la difficulté à entrer dans cette salle. Parce que le train-train de la vie, les choses qui me préoccupent, ça fait peut-être quelques jours depuis que j'ai eu un bon moment avec le Seigneur. Et la salle est comme trop bon, trop sainte, trop quelque chose. Mais je sais que, et aussi Glenn m'a acheté un prix Dieu, alors c'est un prix Dieu devant la fenêtre. Alors ça c'est le fun, hein? Je me mets sur les genoux, je regarde à travers la fenêtre puis je fais mes prières. Mais la salle ne fait pas le cœur pur. La salle est une façon de m'aider à m'approcher de Dieu. Mais c'est vraiment l'Esprit Saint, c'est le fait que j'entre dans la salle et que je profite de ce que le Seigneur a pour moi. Que je lis, que je prie, que je reste tranquille. J'écris parfois dans un journal. Alors, tout est là pour moi. C'est juste à moi de l'accéder, à d'y aller. Et ce n'est pas quelque chose de mystique. Le Seigneur ne me rend compte pas d'une façon mystique à chaque fois que j'entre dans la salle. Il n'y a rien de mystique dans cette salle. Mais je trouvais ça curieux que j'avais plus de plaisir de le créer que de l'utiliser les premiers quelques mois. Mais là, j'y entre et je demande au Seigneur d'entrer avec moi. Et je prends le temps de confesser les choses, de parler des choses, de le louer, chanter avec un disque ou quoi que ce soit. Et c'est une place sécuritaire dans la maison. Et ici, j'ai essayé de créer une sorte de salle d'écoute ce matin. Parce qu'il y a la pureté qui vient de Jésus parce qu'il purifie nos péchés, mais il y a la pureté qui vient dans notre marche avec lui. Et parfois, il y a des choses à confesser. Parfois, il y a des choses à regarder. C'est comme une sorte de danse entre Dieu et nous, l'Esprit Saint, la parole, les symboles qu'il nous a laissés et les circonstances de notre vie. Et on fait cette danse. On le fait ensemble, on le fait chez nous, on le fait en communauté. Et c'est la parole qui nous aide à savoir quelle devrait être notre conduite. Alors, mon enfant, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à ce que je dis. Ne perds pas de vue mes conseils. Garde-les au fond de ton cœur, car ils apportent la vie à ceux qui les accueillent. Et ils assurent la santé du corps. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur. J'aime vraiment ça. Veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Garde-toi de prononcer des paroles mauvaises, rejette les propos méchants, regarde les gens bien en face et que ton regard soit dirigé droit devant toi. Prépare ton chemin avant de t'y engager et emprunte des routes sûres. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche. Détourne ton pied du mal. Alors, notre conduite, notre sensibilité à l'esprit peut être très, très spécifique. Il parlait de notre regard, de la façon qu'on marche, de soigner notre cœur. Puis ça, c'est une chose qu'on ne peut pas négliger pendant quelques semaines ou quelques mois, hein, parce que vous savez que le train-train de la vie envahit beaucoup. Alors, est-ce que c'est possible de veiller soigneusement notre cœur, jusque nos paroles même? Garde-toi de prononcer des paroles mauvaises. Alors, c'est des choses assez spécifiques. Alors, cette danse que nous avons avec nous et le Seigneur, nous, en tant que communauté et chacun qui cherche à avoir un cœur pur, c'est ça qui rend possible de voir Dieu. On peut voir Dieu parce que Jésus a payé pour nos péchés. Alors nous avons cette ouverture que avant son temps n'avait pas. Mais à chaque jour, nous avons la possibilité de voir Dieu aussi, avec notre foi, avec notre cœur. Et c'est vraiment à chaque pas que nous prenons, c'est le sens d'être de plus en plus sensible à l'Esprit qui va mettre son doigt sur notre épaule. Mais c'est toujours des choses très spécifiques. Si j'ai un sentiment de honte, que je ne suis pas digne de m'approcher du Seigneur, que j'ai fait trop de gaffe, il y a vraiment, c'est dégueulasse ma vie. Alors, les pensées générales comme ça ne viennent pas de Dieu. Ce qui vient de Dieu, au point de vue d'une conviction, quand il veut vous convaincre d'un péché, c'est toujours quelque chose de très spécifique. Parfois avec une date et un nom à côté. La façon que tu as parlé à ta fille vendredi matin lors de la conversation de telle et telle chose, c'était pas correct. Là, ça, je sais que ça vient de Dieu. Quand c'est un sentiment vague de ne pas être capable, ne pas être digne, d'avoir trop de peur, ces sentiments ne viennent pas de Dieu. Alors, en s'approchant de la table, nous pouvons prendre le temps de s'examiner et de poser cette question chacun au Seigneur. Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois confesser avant de participer dans la Sainte Cène ou pendant que je participe à la Sainte Cène? Et puis, ce que moi je fais, je pose cette question et puis, tranquille, puis j'écoute. Il peut y avoir une, deux, trois, cinq choses qui viennent à mon esprit, mais toujours des choses très spécifiques. Ça, je sais que ce sont des choses que je veux régler avec le Seigneur.